Mélisse. Wesh, mais tu Mélisse. T'inquiète même pas. Poto, tu tournes pas en rond. Tu me parles d'être carré. Ça sent peg au charbon. Ouais, j'écris sous un nez. C'est tout. Et j'paranoïe. Des fois j'en pense à tout. J'suis dans la loque. Vois carré de bulbe et tout. Et j'me dis gros. T'inquiète le bon Dieu voit tout. J'les calcule pas. J'fais ma route un point c'est tout. Et j'm'affale pas j'm'en bats. Désolé, tu m'avais manqué, rien qu'on rigolait.